بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Le sujet par lequel on va commencer aujourd'hui, inshallah ta'ala, est un sujet important. Peut-on se dire salafi? Beaucoup, quand ils se convertissent à l'islam, on leur dit attention, fais attention, parce que Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, il nous a nommés comme étant musulmans. Mais par contre, se dire salafi, non, c'est pas dans le Coran. Alors les jeunes ne savent plus où mettre les pieds. Et c'est ce sujet qu'on va aborder ce soir, incha'Allah ta'ala. On a vu, lors des cours précédents, que la salafiyya, c'est le fait de suivre les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anhum. Et les compagnons qui s'accrochaient fermement à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. Et vous savez, barakallahu fikum, que Allah tabaraka wa ta'ala nous a rendu obligatoire une invocation que nous répétons tous les jours, chaque jour. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous vers la voie de rectitude. Quelle est cette voie de rectitude? Qu'est-ce que la voie de rectitude pour laquelle on invoque tous les jours, jour et nuit? L'imam Ibn Qudama, rahimahullah, il dit dans son livre Dhammu ta'wil, لأنه صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت. Et donc il dit رحمه الله car le prophète صلى الله عليه وسلم est sur la voie de rectitude. Et donc celui qui va emprunter cette voie, emprunte la voie d'Allah, donc qui est dans toute sa rectitude, et ceci de façon inévitable. Et donc il nous est obligatoire de le suivre, de nous arrêter là où il s'est arrêté, sallallahu alayhi wa sallam, et de nous taire concernant ce sur quoi il s'est tu. Et donc, on comprend de cette parole d'Ibn Qudama, rahimahullah, qu'il est obligatoire de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et obligatoire de suivre la voie des compagnons. Et c'est là qu'on répond à la première question, quel est le jugement quant au fait de suivre le manhaj salafi? Il est obligatoire de suivre le manhaj salafi. Il est obligatoire, car on a dit que le manhaj salafi c'est l'islam. Et que la seule religion agréée d'Allah tabaraka wa ta'ala c'est l'islam. Et donc à partir de là, il est obligatoire de suivre le manhaj salafi pour obtenir la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et certes, il y a plusieurs preuves qui nous montrent qu'il est obligatoire de suivre le manhaj salafi. Qu'il est obligatoire de suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces preuves, il y a la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayhi. Et si ceci, c'est-à-dire si tes deux parents, ils te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune science, ils te forcent à m'accorder comme associé ce dont tu n'as aucune science, alors ne leur obéis pas. N'obéis pas à tes parents en cela. Mais comporte-toi ici-bas de la bonne façon. Et suis la voie de ceux qui se sont repentis et qui sont revenus vers moi. Ça, c'est important. Et suis la voie de ceux qui se sont repentis et qui sont revenus vers moi. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit ici, « Kullu sahabati munibun ilallahi ta'ala, fe yajibu tibaru sabilihi » وأقواله وأفعاله واعتقاداته من أكبر سبيله. Et donc il dit chaque compagnon s'est repenti et est retourné vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc il est obligatoire de suivre chacun d'entre eux, ses paroles, ses actes, sa croyance. Et certes, sa croyance fait partie des éléments les plus importants de sa voix, ou de leur voix, la voix des compagnons. Et donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit qu'il est obligatoire, il nous ordonne de suivre tous ceux, il nous ordonne de suivre la voix de ceux qui se sont repentis et qui sont revenus vers lui. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit, tous les compagnons se sont repentis et sont revenus vers Allah. Quelle est la preuve de cela ? La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa yahdi ilayhi man yunib. Et il guide vers lui ceux qui se repentent et qui reviennent vers lui. Est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala a guidé les compagnons ? La shek, il n'y a nul doute. Et donc, cela signifie que les compagnons sont forcément retournés vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, cela signifie que nous devons suivre leur voie, car Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de suivre la voie de ceux qui se sont repentis et qui sont revenus vers lui. Voilà une des preuves qu'a cité l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. La deuxième preuve, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, « Kul hadhihi sabili » أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Dis ceci est ma voix. Dis ceci est ma voix. J'appelle à Allah avec clairvoyance. Moi et tous ceux qui m'ont suivi. Moi et tous ceux qui me suivent. C'est ici le passage qui nous intéresse. Ici dans ce sujet. Moi et tous ceux qui me suivent. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit: fa akhbara subhanahu anna man ittaba'a ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam yad'u ila Allah wa man da'a ila Allah ala basiratin wajaba ittiba'uhu. Il dit: et donc celui qui a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle à Allah. Celui qui a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle à Allah. Et celui qui appelle à Allah avec clairvoyance, il est obligatoire de le suivre. Et ceci, en respectant la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, « Ya qawmana ajibu da'i Allah » hein? « Oh mon peuple, répondez à l'appel de celui qui vous appelle à Allah. » Et donc il nous est obligatoire de suivre ceux qui appellent à Allah. Or, les compagnons ont appelé à Allah. Pourquoi ? Parce que celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle à Allah avec clairvoyance. Et donc ça, c'est une autre preuve qu'a montré l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah pour nous montrer qu'il est obligatoire de suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Celui qui s'accroche fermement, man yatasim billah, c'est celui qui s'accroche fermement à la voix d'Allah, à la religion d'Allah. Alors celui-ci aura été guidé vers la voie de rectitude. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit: wajhul istidlal bil aya annahu ta'ala akhbara 'anil mu'tasimin bi annahum qad hudu ila al-haqq fanaqul الصحابة رضوان الله عليهم معتصمون بالله فهم مهتدون فاتباعهم واجب. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit ici dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala informe que ceux qui s'accrochent fermement à sa voix sont bien guidés et sont guidés sur la vérité. Nous disons, les compagnons radiyallahu anhum, ils se sont accrochés fermement à la voix d'Allah. Et donc, ils sont bien guidés. Et vu qu'ils sont bien guidés, il nous est obligatoire de les suivre. Vu qu'on veut suivre la guidée. On veut suivre la vérité. وَمَذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الدَّلَالِ. Qu'il y a-t-il en dehors de la vérité, si ce n'est l'égarement? Et donc, il y a énormément de preuves, barakallahu fikum, ô chers frères, si on y médite, concernant le fait qu'il est obligatoire de suivre les compagnons, de suivre la voie des salafs. Et on a déjà vu plusieurs fois la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Les premiers, les prédécesseurs, parmi les Muhajirin et les Ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Donc ceux qui ont suivi les compagnons de la meilleure des façons. Quelle est leur récompense ? Radiyallahu anhum wa radu an. Ils sont satisfaits d'Allah et Allah est satisfait d'eux. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, dans lesquels ils demeureront éternellement. Pour aller au paradis, il est donc obligatoire de suivre les compagnons. On comprend donc de ce verset qu'il est obligatoire de suivre le manhaj salafi. Donc si quelqu'un te demande quel est le jugement quant au fait de suivre le manhaj salafi, la réponse c'est qu'il est obligatoire. Pour toute personne qui veut le paradis, toute personne qui veut la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, il lui est obligatoire de suivre le manhaj salaf. Et donc si on comprend cela, si on comprend bien cela, on peut donc commencer à aborder la deuxième partie de notre intervention qui est le jugement quant au fait de s'affilier au manhaj salafi. C'est-à-dire le fait de dire « je suis salafi ». Et donc si on comprend qu'il est obligatoire de suivre la voie des croyants, de suivre la voie des salafs, alors le jugement quant au fait de s'affilier à cette voie apparaît dans la parole des savants. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit « La aïba ala man adhara madhhab al-salaf wa intasaba ilayhi wa a'taza ilayhi bel yajibu qabulu dhalika minhu fa inna madhhab al-salaf la yakunu illa haqqan. » Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit: aucun reproche n'est fait à celui qui met en évidence la voie des salafs, la voie des pieux prédécesseurs, et qui s'affilie à celle-ci. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi. Et qui s'affilie à celle-ci, et qui se lie à celle-ci. Ceci, donc, au contraire, donc on ne peut pas lui faire de reproche. Au contraire, il est obligatoire d'accepter cela venant de lui. Car certes, la voie des salafs ne peut être que la vérité. La voie des salafs ne peut être que la vérité. Parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, que vous pouvez trouver dans Majmou al-Fatawa. On a vu, ô chers frères, barakallahu fikoum, que la salafiyya, c'est l'islam. Et donc l'islam, c'est ce avec quoi est venu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que la salafiyya ? C'est le fait de suivre et de s'accrocher à la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la salafiyya. Et donc la salafiyya, c'est l'islam. Et on a vu la parole de l'imam al-Barbahari. Fa'lam anna al-islam huwa sunna wa anna sunna hiya al-islam. Et sache que l'islam c'est la sunna et la sunna c'est l'islam. L'un ne peut se passer de l'autre. Et donc c'est important, chers frères, de savoir expliquer cela. Comme je vous l'ai dit, barakallahu fikoum, ces cours qu'on fait dans ce séminaire, ils sont adaptés aux débutants. Mais c'est profitable, c'est pas parce qu'ils sont adaptés aux débutants que ça veut dire qu'on reste là comme ça. Et après on sort du séminaire avec Walou. Pourquoi est-ce que c'est profitable? C'est profitable pour toi. Mais c'est profitable pour tes proches. Ces proches qui entendent dans les médias jour et nuit salafia. Déjà ils n'entendent pas salafia, ils entendent salafisme. Parce qu'il faut mépriser. Donc salafisme, islamisme, madkhalisme, wahhabisme, extrémisme. Et donc, ils ont une image de la salafia qui fait peur. Et donc, toi, il faut que tu arrives, que tu viennes, que tu leur montres la vérité. Mais comment tu vas leur montrer la vérité? C'est avec les paroles des a'imma, avec les ahadith, avec les versets. Ô chers frères, barakallahu fikoum, tous les groupes égarés s'affilient à l'islam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que sa communauté va se diviser en 73 groupes, en beaucoup de groupes. Tous ces groupes-là s'affilient à l'islam. Et tous ces groupes-là disent suivre le Coran et la Sunna. Tu ne vas pas trouver un groupe qui va te dire « Non, nous, on ne suit pas le Coran ni la Sunna. On ne veut pas ça. » Comme tu ne vas pas trouver un innovateur qui te dit « Attention, n'étudie pas chez moi. Je suis un innovateur. Attention, ne me fréquente pas. Je suis innovateur. » Tu ne vas pas trouver ça. Tous, ils s'affilient à l'islam, au livre et à la Sunna. Et certes, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a décrit le groupe sauvé, Il n'a pas dit ceux qui s'affilient à l'islam. Il n'a pas dit ceux qui s'affilient au Coran et à la Sunna. Il a dit Man kana ala mithli ma ana al-yawm wa ashab. Celui qui a la même pratique que moi aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Voilà le groupe sauvé. Et c'est là qu'il est important de s'affilier à ce manhaj. Lorsque tu vas dire je suis salafi, tu te distingues de tous les groupes du feu. Tu rejettes tous les groupes du feu. Les groupes qui n'ont pas respecté l'islam authentique. Et c'est là qu'on a cette ambiguïté qui est souvent citée. Ils disent oui, mais Allah dans le Coran, il nous dit « Huwa sammakumul muslimin ». Il vous a appelé les musulmans. Il ne vous a pas appelé les salafis ou les ikhwanis ou ci ou ça. Il faut délaisser tout ça. Tu te dis musulman, ils disent. Tu dois te dire musulman. Les savants, ils disent, oui, il n'y a nul doute que l'appellation musulman suffit. Comme il dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il n'y a nul doute que l'appellation musulman est suffisante. Lorsque les musulmans sont comme lors de la première génération, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de groupe. Il y a un seul groupe. C'est les musulmans, c'est eux. Il y a un seul groupe. Mais à partir du moment où les musulmans se sont divisés, il est impératif de distinguer le vrai du faux. Il est impératif de distinguer ceux qui s'affilient à la sunna des autres. Cheikh Al-Albani, il dit, « Ok, tu nous dis, je suis musulman. Je te pose une question. » Anta sunni ou chiri? Tu es un sunni ou chiri? La personne elle répond, je suis sunni. Ok. Sunni, c'est cité dans le Coran? Est-ce que sunni, c'est cité dans le Coran? Non, c'est pas cité dans le Coran. Comment tu fais alors? Pourquoi tu dis alors que c'est pas cité dans le Coran? Parce que tu veux te distinguer des chiites. De la même façon, on va te dire, parmi ceux qui se disent sunni, tu vas trouver les khawarij, les soufis, les tablighi, etc., etc., etc. Et donc, il faut te distinguer de tous ces groupes qui ont dévié de la voie authentique. Et c'est là qu'on voit l'importance de se dire salafi et qu'on ne peut faire aucun reproche à celui qui se dit salafi. Et aussi les ulama ils nous disent, et c'est avec ça qu'on va finir inshallah ta'ala la première séance, les ulama ils nous disent que celui qui ne se dit pas salafi, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, il ne nous aura pas dit clairement quelle est sa croyance. Tu te dis musulman, ok, tu te dis musulman, mais il y a plusieurs croyances qui s'affilient à l'islam. Il y a plusieurs croyances déviantes qui ne font pas l'individu sortir de l'islam. Il reste musulman, mais sa croyance est déviante. Et donc lorsque tu dis que tu es musulman, oui, mais quelle est ta croyance? Tu ne nous as toujours pas expliqué quelle est ta croyance. Et donc lorsque tu veux mettre en évidence ta croyance, et le fait que tu suis la voie de vérité, la voie des compagnons du prophète, radiallahu anhum, la voie de ceux dont Allah est satisfait d'eux, tu ne vas pas faire un long texte. Je suis musulman, tu ici, avec ça, etc., etc. Tu dis, je suis salafi. Tu résumes tout cela, je suis salafi. Et donc voilà en quelques mots, chers frères, l'explication des ulema quant à ce sujet. Et cela nous appelle à une autre question très importante, que je voulais intégrer dans ce cours, mais que j'ai décidé qu'on la verra dans l'autre intervention tout de suite après, inshallah ta'ala, après la pause. C'est lorsqu'une personne se dit salafi, est-ce que ça veut dire qu'elle est réellement salafi? Il se dit salafi, mais est-il réellement salafi? On verra ça tout à l'heure, inshallah ta'ala, qu'Allah nous accorde à tous une bonne compréhension de sa religion. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.